Beurre Dancehall, tous les mardis de 18h à 19h. Présenté par Timothée Milton, Buggy Anton et Guillaume. Beurre Dancehall. L'émission Heart and Soul qui est très particulière ce soir pour la simple et bonne raison, c'est que, eh bien écoutez, nos deux acolytes ne sont pas là ce soir et ils sont tout simplement partis de l'autre côté de la planète, enfin pratiquement à l'autre bout de la planète. Ils sont à Miami en ce moment où ils coulent de beaux jours heureux en tout cas. Bref, on aura l'occasion d'aller les voir, d'aller leur rendre une petite visite par téléphone. Bah oui, ça peut se faire. Donc d'ici une petite demi-heure, on ira prendre la température à Miami, notamment au Chelsea Hotel où ils organisent leur soirée Heart and Soul. Ils font ça très très bien, hein, nos deux acolytes. Donc Huggy Anton et Timothée Milton tout à l'heure en direct à partir de 18h30 de Miami. Eh bien, ce sera d'ici quelques instants. On attend forcément. Ils vous ont préparé un programme spécial, notamment une heure de mix. C'est jusqu'à 19h et ça retrace bien sûr l'ambiance de Heart and Soul. Bonne soirée à tous et puis on se retrouve d'ici une demi-heure. Heart and Soul, présenté par Timothée Milton, Guy Anton et Guillaume. Heart and Soul. This is a journey into sound.

Sound, the bassy rhythm that penetrates the soul, Expression is the essence of our mission. Can I get a witness? House music is a survivor, a soul messenger, a hate suppressor, a truth processor. Can I get a witness from the motherland, from the shores of Miami to the shores of LA, from the streets of Chicago to the streets of New York, and so on. Our sound is still alive and strong, and so on, so on, and so on. The sound of our ancestors did carry on, and so on, and so on, and so on. Earth and soul. And will carry on, and so on, and so on, and so on. Because the music is our speaking soul. And house is beautiful. I said, house is beautiful, my brothers and sisters. House is beautiful. day or make it. Work hard, play hard, just to get there. Give me the piece of the pie in the sky. Got to struggle to survive. I want a mansion on the hill. The sea horizons if I will. I want to fly all around the world. See things never seen before. Driving around in an open lead. Riding along with my lady. Come on, big tune. Come on, people, jump around if you want to get there. Big tune. Keep on moving, never stop till you reach the top, yeah. Big tune. Feel it, imagine it, it could be your too. Big tune. I'll just take you there. I'm thinking, thinking, thinking, yeah. Make it. I'll just make it. Félix avec l'instant le mix de Timothy Milton pour l'émission Art and Soul. Ne bougez surtout pas, on est en train d'essayer de joindre nos deux acolytes Gunton et Timothy Milton à Miami en direct. Ce sera d'ici quelques secondes, histoire de se connecter jusque là-bas. Bonne soirée à tous, à tout de suite. Avec un instant le mix de Timothy Milton. Art and Soul, tous les mardis de 18h à 19h. Présenté par Timothy Milton, Huggy Anton et Guillaume. Art and Soul. Alors, justement, nous sommes avec Huggy Anton. Bonsoir, Huggy. C'est la musique de là-bas. Hein. Huggy, est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Allô? Allô, allô? Oui, Guillaume. Ah! Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, le son va très fort, comme tu peux l'entendre. J'entends. Les gens commencent à arriver, c'est plutôt la fête ici. Hein, Comment s'est passé le voyage? Bah écoute, c'était assez long quand même, mais une fois qu'on arrive, qu'on oublie la neige et qu'on arrive au soleil, directement, ça change. Hein. Ah bah forcément. Est-ce qu'il y a du monde à votre soirée, Art and Soul? Ouais, tout à fait. Pour l'instant, la première Art and Soul, se passe plutôt pas mal. La soirée a débuté depuis 2h30 à peu près. Ouais. Donc il y a pas mal de passages. On a déjà eu Claude Monet qui est passé à la soirée, plus quelques DJ de la région, etc. Et quelques DJ internationaux. Donc on en attend encore quelques-uns. L'ambiance commence à monter. Ça fait plaisir, quoi. Ah bah c'est bien tout ça. Il est quelle heure en ce moment à Miami? Comment? Il est quelle heure en ce moment à Miami? J'entends que dalle, Guillaume. Il est quelle heure? What time is it? Ah, il est quelle heure là? Pour l'instant, il va être bientôt 14h là. Ah d'accord, bon, écoute... C'est un peu l'apéro encore ici, ça traîne un peu. Donc c'est la fête, tout se passe bien. Et on peut dire que pour l'instant, la soirée Art and Soul se déroule comme prévu, donc... Écoute, impeccable. Cool. Impeccable. Eh ben écoute, on va te laisser mettre le feu au dance floor. Passe le bonjour à tout le monde et puis bon courage encore pour votre soirée. Hein. Et merci. Et puis de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission Art and Soul, comme tous les mardis de 18h à 19h. Excellent. Allez, ciao, ciao, bisous. Ciao, ciao, bisous. Art and Soul. présenté par Timothée Milton, Guy Anton et Guillaume. Earth and Soul. Et on retrouve justement tout de suite le mix de Timothée Milton. C'est la suite, c'est jusqu'à 19h, c'est dans l'émission Earth and Soul. Live every day to something. Easy come and easy go. Then life just changed the plan. Turn round and tilt its hand. Flip the script and then just fall. Just another ordinary day.

Spécial l'instant, Heart and Soul, depuis 18h, malheureusement sans nos deux acolytes, Ganton et Timothy Milton, mais on les retrouvera bien sûr en chair, en os et tout bronzé, car ils sont à Miami en ce moment même pour la soirée Heart and Soul. On a eu tout à l'heure Ganton vers 18h30, et bien ils seront de retour donc semaine prochaine pour le direct à partir de 18h. Sinon, fin de l'émission avec le mix de Timothy Milton à l'instant que vous entendez depuis 18h maintenant, et sinon prochain rendez-vous, donc c'est semaine prochaine, et n'oubliez pas tout à l'heure à partir de 20h ce soir, direction l'Escape Concept une nouvelle fois avec un set canon, celui de Manny Kenton, enregistré il y a 3 semaines à l'occasion de l'anniversaire de Guillaume le Light Jockey, d'ailleurs qu'on salue au passage. Et bien ce sera à partir de 20h tout à l'heure, ambiance garantie. Galaxy, galaxy, galaxy, galaxy, galaxy, galaxy, galaxy, galaxy, galaxy, galaxy, out of time, out of time.